Chapitre 6. La meute donne de la voix. Le premier but de Lagnard était ce commode petit appartement au rez-de-chaussée voisin du Trocadéro, à l'angle de la rue Roger et de l'avenue de l'Alma. Mais il s'y rendit à pied, ce qui lui prit environ une heure, alors qu'en taximètre, il n'aurait pas mis 20 minutes. Quand il arriva au coin, il n'était pas encore une heure. Chose singulière à première vue, il n'avait pas le moindre désir de cacher à personne son adresse permanente, car Michael Lagnard, amateur de belles peintures, était un personnage trop connu dans Paris pour qu'il pût tenir sa résidence secrète. De Morbihan, d'ailleurs, en le reconnaissant à l'hôtel Troyon, avait rendu impossible pour Lagnard d'y adopter un nom d'emprunt, même s'il avait jugé cette ruse opportune. Mais il avait une tâche déterminée à accomplir avant le jour, une affaire exigeant le secret. Et comme il n'était pas du tout sûr de n'être pas suivi, car on n'est jamais sûr de rien, surtout à Paris, autant valait égarer dès le début un espion possible. Et il ne pouvait avoir l'esprit à l'aise en pensant à Roddy, vu la gasconnade de Morbihan en présence du détective, et vu également cette allusion émise par le comte au sujet d'une gaffe fatale commise par Lagnard au cours de son expédition d'Angleterre. L'aventurier croyait bien pourtant n'avoir rien laissé au hasard. Il s'était même réjoui d'avoir conduit ses opérations avec un degré de prudence particulièrement complet. Pourtant, il n'arrivait pas à se délivrer des appréhensions éveillées par Morbihan lorsque celui-ci affirmait que le vol des bijoux Humbert n'avait été accompli qu'au prix d'un indice livrant l'identité du voleur. Par ailleurs, la déclaration positive du comte au sujet du cambriolage prouvait que la nouvelle en avait précédé à Paris la venue de son auteur. Malgré cela, Roddy n'en savait certainement rien avant ce propos tenu en sa présence au dîner. Ou bien le détective était meilleur comédien que ne le croyait Lagnard. Mais d'où Morbihan pouvait-il tenir sa nouvelle ? Lagnard était sincèrement et profondément troublé. Harcelé et accaparé par ses pensées, il mit la clé dans la serrure et s'introduisit sans bruit dans son appartement par une entrée de rue particulière qui, en sus de la porte habituelle ouvrant sur la cour et sous l'œil du concierge, distinguait cet appartement des autres de Paris et le rendait encore mieux approprié aux besoins de l'aventurier. Puis il fit la lumière et alla rapidement visiter l'une après l'autre les trois pièces de son domicile pour se rendre compte de leur état. Mais avant même de quitter le vestibule pour le salon, il avait déjà constaté que les choses n'étaient plus à leur place. Un chapeau laissé au porte-manteau de l'entrée avait été remis sur une autre patère. Une chaise avait été déplacée à 6 pouces de sa position habituelle, et la porte d'une garde-robe, qu'il avait fermée à clé en partant, était à cette heure entrouverte. Par ailleurs, l'état du salon cabinet de travail, de la salle à manger et de la chambre à coucher voisine témoignait également que des mains indiscrètes avaient retourné l'appartement de fond en comble sans laisser inexploré un centimètre carré. Mais rien ne manquait. Cet appartement renfermait une galerie privée de tableaux de valeur et de meubles anciens à faire mourir d'envie tout autre collectionneur et abritait par-dessus le marché un petit musée de livres précieux, de manuscrits et d'objets d'art dont la provenance, en dehors de leur valeur intrinsèque, faisait des trésors inestimables. Un cambrioleur avisé aurait pu emporter dans sa poche de par-dessus un butin suffisant à solder la dépense d'une année d'orgie. Mais rien n'avait été enlevé, rien du moins qui fût apparent à une première inspection, et celle-ci, bien que rapide, n'était nullement superficielle. Avant de refaire plus soigneusement son inventaire, Lagnard appliqua son attention au dispositif de sûreté, un système avertisseur de fils électriques combiné de façon que toute tentative pour pénétrer dans l'appartement, sauf au moyen d'une clé ouvrant les deux portes, et dont il n'existait aucun double, donnerait l'alarme au concierge et à la société de protection contre le vol. Bien que l'appareil ne semblât en aucune façon dérangé, le maître des lieux, afin de l'essayer, ouvrit une fenêtre donnant sur la cour. La loge du concierge était à portée de voix. Si la sonnerie avait fonctionné, Lagnard l'eût entendu de sa fenêtre. Or, il n'entendit rien. Haussant les épaules, il referma la croisée. Il savait bien, mieux que personne, comment un voleur réfléchi et adroit peut rendre vaine une garantie de ce genre. Regagnant le salon où se trouvait le plus gros de sa collection, il passa lentement les objets en revue, l'un après l'autre. Ce qui eut pour seul résultat de renforcer sa conclusion primitive. On avait touché à tout, mais sans rien enlever. Par manière d'épreuve finale, il ouvrit son bureau, dont la serrure avait été habilement crochetée, et en parcourut les casiers. Sa correspondance, peu nombreuse et composée surtout de lettres échangées avec des marchands d'objets d'art, avait été examinée et replacée sans soin, en désordre. Mais ici encore, il ne manquait rien. Après quoi, retirant un petit tiroir et introduisant sa main dans l'ouverture, il déplaça en bloc une série de casiers et découvrit l'armoire à secret, qui est presque infailliblement un attribut de tel meuble d'époque. Dans son creux sans profondeur, cet espace secret ne contenait qu'un objet unique, mais d'une valeur considérable, car c'était le portefeuille de cuir dans lequel l'aventurier gardait, à toute occurrence, une réserve d'argent liquide. C'était principalement pour cela, du reste, qu'il était venu à son appartement. Son expédition de Londres avait exigé une dépense forte au-delà de ses prévisions, si bien qu'il avait débarqué à Paris avec moins de 100 francs dans sa poche. Et Lagnard, malgré toute sa fierté d'esprit, connaissait une crainte obsédante, celle de se trouver pris au dépourvu par la nécessité. Le portefeuille rendit son trésor jusqu'au dernier sou. Lagnard compta 5 billets de 1 000 francs et 10 de 20 livres sterling, au total plus de 2 000 $. Mais si rien n'avait été soustrait, on avait ajouté quelque chose. Le verso d'un billet de banque d'Angleterre avait servi à inscrire une note. Lagnard déploya le billet et déchiffra attentivement l'écriture. Elle ne semblait aucunement déguisée, mais elle lui était complètement inconnue. On avait tracé, avec une de ses plumes à pointe acérée, si populaire en France. La calligraphie dénotait un français instruit. Voici le texte de ce billet. Au loup solitaire, la meute envoie ses salutations et offre son invitation à participer aux bénéfices de sa confrérie. On l'attend chaque soir à l'abbaye de Télène. Une date suivait, la date même du jour. Délibérément, après avoir relu ce message, Lagnard tira son étui à cigarette, en choisit une, craqua une allumette, fit du billet de 20 livres un tortillon grossier, y mit le feu, alluma sa cigarette à la flamme et, se levant, alla jeter la torche dans un foyer froid et vide où il la laissa se consumer et se réduire en cendres. Après quoi, un sourire se joua sur sa mine soucieuse. « Eh bien, mon ami, apostropha-t-il l'auteur du document, qui désormais ne pouvait plus servir à le compromettre, j'ai quand même à vous remercier de m'avoir procuré une sensation nouvelle. Je désirais depuis longtemps me croire autorisé à allumer une cigarette avec un billet de 20 livres si la fantaisie m'en prenait. » Son sourire s'évanouit peu à peu et fit de nouveau place aux soucis. Quelque chose de beaucoup plus précieux pour lui que 100 $ venait également de s'évanouir en fumée.